Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 18. En la troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, régna Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 29 ans dans Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Et il fit ce qui était bon devant le Seigneur, selon tout ce qu'avait fait David son père. C'est lui qui détruisit les hauts lieux, renversa les statues, coupa les bois sacrés et brisa le serpent d'airain qu'avait fait Moïse. Parce que jusqu'à ce temps-là, les enfants d'Israël lui brûlaient de l'encens. Et il l'appela du nom de Nohestan. C'est dans le Seigneur, Dieu d'Israël, qu'il espéra. Aussi, après lui, il n'y eut pas de semblable à lui entre tous les rois de Juda, ni même parmi ceux qui furent avant lui. Et il s'attacha au Seigneur, et ne s'écarta pas de ses traces. Et il pratiqua ces commandements qu'avait prescrits le Seigneur à Moïse. C'est pourquoi le Seigneur était même avec lui, et dans toutes les choses qu'il entreprenait, il se conduisait sagement. Il secoua aussi le joug du roi des Assyriens, et ne lui fut pas asservi. C'est lui qui frappa les Philistins jusqu'à Gaza et tous leurs confins, depuis la tour des gardes jusqu'à la cité fortifiée. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi des Assyriens, monta à Samarie et l'assiégea. Et il la prit. Or c'est après 3 ans, en la sixième année du roi Ézéchias, c'est-à-dire la neuvième année d'Osée, roi d'Israël, que Samarie fut prise. Et le roi des Assyriens transféra Israël chez les Assyriens. Et les établit en Hala et en Habor, fleuve de Gozan, dans les villes des Mèdes. Parce qu'ils n'écoutèrent point la voix du Seigneur leur Dieu, qu'ils transgressèrent son alliance. Tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur du Seigneur, ils ne l'écoutèrent point ni ne le suivirent. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi des Assyriens, monta vers toutes les villes de Juda fortifiées et les prit. Alors Ézéchias, roi de Juda, envoya des messagers au roi des Assyriens, à Lachish, disant: J'ai péché, retirez-vous loin de moi, et tout ce que vous m'imposerez, je le supporterai. C'est pourquoi le roi des Assyriens imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et Ézéchias donna tout l'argent qui avait été trouvé dans la maison du Seigneur et dans les trésors du roi. En ce temps-là, Ézéchias rompit les bâtons et les portes du temple du Seigneur, et les lames d'or que lui-même y avait attachées, et il les donna au roi des Assyriens. Or le roi des Assyriens envoya ensuite Tartan, Rabsaris et Rabsakès de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias avec une forte armée. Et lorsqu'ils eurent monté, ils vinrent à Jérusalem. Ils s'arrêtèrent près de l'aqueduc de la piscine supérieure, qui est sur la voie de Champ de Foulon. Et ils demandèrent le roi. Or sortirent vers eux Éliacim, fils d'Helkias, intendant de la maison du roi, Sobna le scribe, et Joaé, fils d'Asaph, qui tenait les registres. Et Rabsakès leur dit: Dites à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi des Assyriens. Quelle est cette confiance qui vous soutient? Peut-être que vous avez formé le dessein de vous préparer au combat. En qui mettez-vous votre confiance pour que vous osiez vous révolter? Espérez-vous en ce bâton de roseau écassé, l'Égypte? Bâton qui, si un homme s'appuie dessus, étant brisé, entrera dans sa main et la percera. Ainsi est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me dites, c'est dans le Seigneur notre Dieu que nous avons confiance. N'est-ce pas celui dont Ézéchias a détruit les autels et les hauts lieux, et a ordonné à Juda et à Jérusalem, c'est devant cet autel que vous adorerez dans Jérusalem? Maintenant donc, passez vers mon seigneur le roi des Assyriens, et je vous donnerai 2 000 chevaux, et voyez si vous trouverez des cavaliers pour eux. Et comment pourriez-vous résister devant un seul satrape des derniers serviteurs de mon maître? Est-ce que vous avez confiance dans l'Égypte à cause de ses chars et de ses cavaliers? Mais est-ce donc sans la volonté du Seigneur que je suis monté en ce lieu pour le détruire? Le Seigneur m'a dit, monte dans cette terre et ravage-la. Or, Éliasis, fils d'Elchias, Sobna et Joahé dirent à Rabsakès: Nous vous prions de parler à vos serviteurs en syriaque, parce que nous entendons cette langue, et de ne pas nous parler en hébreu, le peuple qui est sur le mur écoutant. Et Rabsakès le répondit: Est-ce donc vers ton maître et vers toi que mon maître m'a envoyé pour dire ces paroles, et non pas plutôt vers les hommes qui sont sur le mur, pour qu'ils mangent leurs excréments et boivent leur urine avec vous? C'est pourquoi Rabsakès se tint debout et cria d'une voix forte en langue judaïque: Écoutez les paroles du grand roi, du roi des Assyriens. Voici ce que dit le roi: Qu'Ézéchias ne vous séduise point, car il ne pourra pas vous arracher à ma main. Et qu'il ne vous donne point de confiance dans le Seigneur, disant: Le Seigneur nous délivrera certainement, et cette ville ne sera point livrée à la main du roi des Assyriens. N'écoutez point Ézéchias, car voici ce que dit le roi des Assyriens: Faites avec moi ce qui vous est utile. Sortez vers moi, et chacun mangera de sa vigne et de son figuier, et vous boirez des eaux de vos citernes. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous transfère dans une terre qui est semblable à votre terre, dans une terre qui porte du fruit et fertile en vin, une terre de pain et de vigne, une terre d'oliviers, d'huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez point Ézéchias, qui vous trompe, disant: Le Seigneur nous délivrera. Est-ce que les dieux des nations ont délivré leur terre de la main du roi des Assyriens? Où le dieu d'Emath et d'Arphad? Où est le dieu d'Emath et d'Arphad? Où est le dieu de Sépharvaïm, d'Ana et d'Ava? Est-ce qu'ils ont délivré Samarie de ma main? Quels sont ceux parmi tous les dieux des nations qui ont arraché leur pays à ma main, pour que le Seigneur puisse arracher Jérusalem à ma main? C'est pourquoi le peuple se tut et ne lui répondit rien, car il avait reçu ordre du roi de ne pas lui répondre. Et Éliacim, fils d'Elchias, intendant de la maison de Sobna, le scribe, et Johaé, fils d'Asaph, qui tenait le registre, vinrent vers Ézéchias, leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabsakès. Roman de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.